الشباب مش يجوا يشوفوا جو خواف دهشة والله من اللي عرفتك خواف دهشة اللي عرفته من باباك من خوك من امك لعلكوك مش عارف قد اخذي واحد زي هذا بابا يا ام يا زلمة مادام Mon avenir n'est pas baisé. J'ai voulu faire l'amour, le cœur brisé. Alors oui, j'ai déconné. Votre soeur m'a fait déconner. J'ai atterri, j'ai glissé. J'ai senti l'unique chez elle. Je plane, marne avec des ailes. Tunisienne des belles. Au calme, man, repart des ailes. Bébé, I love you. Vis bien un voyou. Ma drogue, mon caillou, c'est elle. J'ai fêté notre amour, je l'aime bien, je l'avoue. L'avenir est à nous, j'espère. Elle avait remplacé mon ex. C'était pas qu'une histoire de sexe. C'était mes yeux, c'était ma peste. Elle avait remplacé mon ex. Inti hayati, ou omri hayati. Ou t'chouf t'endour hayati. Qalbi madrou hayati. Inti hayati. وعمري حياتي وتشوفك ندور حياتي قلبي مضروب حياتي بونجي De quoi la faire manger. Je suis un homme, j'assume, je viendrai pas vous déranger. J'ai les épaules de bravo, le destin dure pas qu'un jour. Je suis pas pour me venger, je vais retaper mon parcours. Songez à l'avenir de votre vie, moi. Je vais taper plus de 6 mois. Pas que Zororo et pas de ciné. J'ai le cœur calciné, cette fille m'a assassiné. Bombe platine à enraciner. Voyez-vous pas qu'elle me suit. En fait, je suis un bien pour elle, je suis pas nocif. Je la vois bien dans ma piscine. En fait, je suis un bien pour elle, je suis pas nocif. Inti hayati, ou omri hayati. Ou t'chouf t'endour hayati. Qalbi madrouz hayati. Inti hayati, ou omri hayati. Ou t'chouf t'endour hayati. Qalbi madrouz hayati. Tu veux voir les gens qui viennent? فوالا تحب نشوفها اللي خنتي بيها عقبال ما تشوف اسمع J'ai été insulté, on m'a provoqué, l'amour s'est envolé. J'étais trop choqué, pour elle j'ai tout lâché. On m'a convoqué, police, tribunal, toi qui étais ma beauté. J't'ai fait confiance, mais tu marches avec ta tête, ma belle. Moi j'voulais une danse, mais tu m'as fait trop d'appel. غدارة وخذتني طمعة فقوا بك لعبان طمعة قلبي يرجع طمعة انتي غدارة وخذتني طمعة فقوا بك لعبان طمعة قلبي يرجع يا طمعة إلي وطن أمور Tu l'as jeté dans un trou. Tu l'as jeté dans un trou. Moi j'ai grandi dans les tours. Moi j'ai grandi dans les tours. Alors je croyais en nous. Alors je croyais en nous. Ils sont morts pour aimer. Ils sont morts pour aimer. Ils sont en prison pour aimer. Ils sont en prison pour aimer. Ils sont partis pour aimer. Ils sont partis pour aimer. Les sentiments peuvent te rendre fou. Les sentiments pour le vrai. Inti hayati, omri hayati, وتشوف تندور hayati, قلبي مضروب. حياتي انتي حياتي وعمري حياتي وتشوفك ندور حياتي قلبي مضروب حياتي to me.